Chapitre 2e, le gros bout de la lorgnette. Mon téléphone se met à rôter. Il faut dire que j'ai bidouillé la sonnerie pour ne plus qu'elle me troue les tympans, dans un appartement si petit. Allô, Serge ? Alors, cette autopsie ? Rino est mort par asphyxie. On a dû l'étouffer avec un coussin ou une couverture car il ne porte aucune marque de strangulation ou de coup. Une fois mort, on l'a mis doucement à l'eau, en maillot de bain, avec sa panoplie de plongeurs. Il n'a pas pu se remplir d'eau et il a flotté comme ça pendant un bon bout de temps, comme une barque. D'après le légiste, la mort doit remonter à la nuit précédant la découverte du cadavre. Tu vois ce que je t'avais dit, j'étais sûr qu'on l'avait assassiné. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? On attend une commission rogatoire et on va démarrer l'enquête. Je sais que tu vas faire encore le franc-tireur en solo, mais fais gaffe! Je te donnerai les infos dont je dispose, mais je ne peux pas te faire protéger si tu décides de jouer les privés. Il faut dire que depuis la part plus qu'active que j'ai prise en mai 68, j'étais suspendu jusqu'à nouvel ordre et que désormais, je dois me consacrer à d'autres tâches que les fonctions de policier. Toutes mes investigations sont donc menées en cachette de tous, sauf de Serge, bien entendu. Si je décroche le jackpot, j'espère que ça accélérera ma réintégration. Vers midi, je descends l'escalier étroit qui mène à ma boîte aux lettres, en manquant me casser la gueule. Tiens, une lettre manuscrite. C'est rare que j'en reçoive une. La plupart du temps, ce sont des factures ou des lettres de rappel. Je décachète fébrilement l'enveloppe et, prends connaissance du mot envoyé, tracé d'une écriture un peu enfantine. Mon cher Gino, j'ai préféré t'écrire parce que je ne sais pas si je pourrais te dire ce que j'ai à te dire. Le bateau est bien au nom d'Agapian, mais il l'a acheté avec le pognon que quelqu'un d'autre lui a donné. Et ce quelqu'un, c'est un ancien collègue à toi, celui de Mourpiane. Je ne sais pas encore pourquoi il a fait cet embrouille, mais ce n'est pas clair. Garde l'info au chaud. Moi, je vais me planquer, parce qu'il y a des mecs pas clairs qui me filent le train. Ça sent mauvais pour moi. Je vais prendre le large et me mettre au vert. Il vaut mieux qu'on ne se voit pas pendant un bout de temps. Ciao, fais gaffe. Et voilà. Par-delà la mort, Rino avait trouvé moyen de faire tout de même son boulot et de rapporter l'info, comme un bon chien de chasse. J'en suis tout ému, et ma soif de vengeance en augmente d'autant. Celui de Mourpiane, dont il parle à mots couverts, est un collègue du SRPJ avec lequel nous avions travaillé de concert dans une affaire de meurtre dans le quartier de Mourpiane. Ce que me dévoile ce pauvre Rino m'étonne beaucoup, car ce Sanchise, dont il est question, m'a toujours paru un type réglo. Et tout ce qu'il y a de plus honnête. En tout cas, depuis cette affaire, nous avions toujours gardé des relations cordiales. Oranais d'origine espagnole, il faisait le contrepoids à mon italianité, et c'est plus d'une fois que nous nous asticotâmes à coups de jurons d'Alicante et de Naples. On a certainement dû lui offrir un pactole pas possible pour qu'il accepte de se mouiller dans une affaire de contrebande ou de trafic de drogue. J'ai du mal à avaler l'info de Rinaldi. Et il va falloir que je fasse gaffe de ne pas me montrer trop souvent. Sanchise, lui, sait qui je suis, et va se douter de ce que je continue à faire malgré ma mise à pied, à moins qu'il ne le sache déjà. Donc, méfie. Il ne me reste plus qu'à me débrouiller tout seul, sans Rino. Après un jambon beurre avalé au bar des pêcheurs de l'Estac, je prends la direction de la Côte Bleue via le Rove et en Suesse. J'enfile ensuite la voie rapide pleine de rustines qui monte et descend comme des montagnes russes. Allez, j'ai fait tomber la cendre sur le siège, un trou de plus dans la mousse. Un de ces quatre, je vais me foutre le feu. Arrivé à Carreau, je plante ma mini derrière le bar de Gilda et, par la porte de la cuisine, je m'assure de la gueule des clients qui sont dans la salle. Feu vert, il y a des gains. Tiens, mais c'est San Antonio. Je commence à m'ennuyer de toi, me lance Gilda d'un ton moqueur. C'est plus fort que toi, hein? Il faut que tu fasses ta testarde. Qu'est-ce que tu veux? Je ne peux pas m'en empêcher. C'est comme ça depuis toute petite. Aujourd'hui, elle s'est vêtue d'un jean, d'un t-shirt blanc et a chaussé les tongs. Rien de plus banal. Mais même dans ce simple appareil, elle pourrait se mesurer avec n'importe quelle star. Il faut que je te demande quelque chose. Je t'ai déjà dit 100 fois que je ne veux pas qu'il y ait quoi que ce soit entre nous. J'allume une royale pour éviter de me mettre en boule. Cette fille a le don de me faire monter la tension, mais plus elle m'excite et plus elle me plaît. Je me demande si elle n'a pas su révéler en moi ma tendance maso. Mais il ne s'agit pas de ça. Tu as bien les fenêtres qui donnent sur le port, au premier. Qu'est-ce que c'est comme pièce? Ça y est, tu recommences. Pas question de monter dans ma chambre, si c'est ce que tu veux. Mais non! J'ai besoin de regarder ce qui se passe sur le port, discrètement, tu comprends? Alors tu vas passer tes journées dans ma chambre. Non mais tu rêves, mon pauvre. Non, j'aurais besoin quelquefois de zioter derrière les volets pour ne pas qu'on me voie. Ah, tu vas se pincher. Et qui veux-tu surveiller comme ça? Pour l'instant, je ne peux pas te le dire. Alors, Nada, ou tu me mets au parfum ou tu vas te faire voir. Si tu mouilles dans une affaire, j'ai le droit de savoir laquelle, non? J'hésite un moment. Qu'est-ce que je risque à la franchir? Quels ennuis cela peut-il lui apporter? Cette nana prit sûrement une emprise dont je ne me méfiais pas au départ. Tant pis, je lui dis tout. J'ai tellement envie de lui faire confiance. Peut-être que ça la débloquerait. Elle m'écoute avec attention et sérieux sans m'interrompre. Avant de me répondre, elle refait sa queue de cheval. De deux choses l'une, ou tu vas te mettre dans un sombre merdier ou tu vas faire tchoufa, comme disent les pieds noirs. Mais tant que tu ne ramènes personne ici, tu peux espionner tant que tu veux. Ah, je savais bien que je pouvais compter sur toi. J'ai envie de t'embrasser, tiens. Oui, ben moi non. Et si tu montes, ne me mets pas le souk là-haut, compris? Et pour mettre fin à l'entretien, elle passe dans l'arrière-salle pour approvisionner son frigo en coca et bière. Pendant ce temps, je me pose près de la porte du bar et commence la lecture du compte-rendu de l'étape du tour dans le Provençal. Eddy Merckx ridicule lui ses adversaires. Ça doit être dur pour eux de continuer à se casser le cul sur la selle, quand on sait que de toute façon, on ne gagnera que des nèfles. Je glisse sur la rubrique foot quand Gilda m'interpelle. « Gino, remue-toi, ça bouge en face. » Je jette un œil sur le bateau, mon point de mire, mais je ne vois rien. « Où as-tu vu bouger, Gilda ? Regarde le break qui vient de se garer à gauche près du hangar. » Effectivement, un break Volvo est garé près du quai, en marche arrière, ayant ouvert. Gilda dut voir la voiture arriver. Je bondis dans ma mini et en reviens armé d'une paire de jumelles et d'un Nikon équipé d'un téléobjectif 300 mm. Depuis que je bosse en freelance, il a fallu que je m'équipe. Je monte 4 à 4 dans la chambre de Gilda et à travers les volets entrouverts, darde mes jumelles sur la Volvo et ses alentours. Trois hommes sont descendus de la caisse et déjà, le premier saute du quai sur le roca. Les deux autres sortent du break une caisse assez grande de laquelle dépassent des tuyaux qui éprouvent la présence d'appareils de plongée. La caisse a l'air assez lourde, et les trois hommes la hissent à bord du bateau en manquant de se foutre à la baille. Armé de mon téléobjectif, j'essaie de tirer le portrait de chacun des hommes avec le plus de netteté possible. Il faut dire que j'ai bien écouté les conseils de mon patient copain Pécoul, et que je ne me débrouille pas mal dans cet art. Un des trois hommes remonte sur le quai avec la caisse vide pour monter dans le break et partir avec. Photo de la plaque minéralogique. Je triple le portrait des deux qui sont restés dans le bateau. Les amarres sont enlevées et le roca quitte lentement sa place machine arrière. Il franchit bientôt la passe du port, disparaissant à ma vue. Je bondis à l'aurore de ma cachette et cours comme un fou en direction de l'extrême pointe rocheuse à droite de la jetée. Peut-être vais-je pouvoir continuer à voir de quel côté se dirige le bateau, vers Marseille ou vers Martigues. Arrivé sur les rochers, j'aperçois la jumelle le roca qui a mis les moteurs à fond et se dirige droit vers le sud et le large. Je ne vois que sa poupe et l'écume que produit son sillage. Apparemment, la destination est la même que la dernière fois que je l'ai vu sortir, mais ce jour-là, je n'avais ni jumelle ni appareil photo. Puis, au bout de 10 bonnes minutes, je perçois vaguement que l'inclinaison du bateau a cessé et qu'il a dû mettre en panne. Mais il est trop loin pour que je puisse distinguer les hommes à bord. Et je suis en plus gêné par une légère brume. Malgré tout, derrière le roca, je devine la silhouette d'un palangrier qui paraît assez proche, mais tout le monde sait que les longues vues écrasent les distances, alors impossible d'estimer de combien ils sont éloignés l'un de l'autre. Je prends mes aises sur un rocher et pendant une heure, de temps à autre, je vérifie que le bateau n'a pas changé de position. Il m'est impossible de savoir s'ils sont en plongée, s'ils pêchent à la canne, ou s'il se livre à une autre activité. Comme je n'ai rien d'autre à faire, je réfléchis. Eh oui, ça m'arrive. Il m'est venu une idée, mais pour la mettre à profit, il faut que je me procure une boussole à viser et une carte au 50 millième. Je devrais pouvoir dégoter ce matériel auprès de mon copain Georges, qui est un fanat de la rando sur la côte bleue. Vers 18 heures, l'avant du Rocca se lève et bientôt j'aperçois sa proue qui pointe vers le port. Il est temps pour moi de regagner ma planque chez Gilda. Une fois en position derrière le volet entrebâillé, je jette une visée circulaire sur les quais. Le brick Volvo est déjà là. Un homme est appuyé contre le hayon arrière et fume calmement. Soudain, j'ai un haut-le-cœur de surprise. Ce type s'est Sanchise lui-même. Le pauvre Rino ne s'est pas trompé. Je me serais bien approché en m'asseyant quelques mètres, mais si jamais je suis reconnu, tout est foutu. Dès que le bateau accoste, mes yeux manquent sortir de la tête tellement je force pour capter le moindre détail. L'œilleton d'une icône me vrille le sinus, le doigt fébrile sur le déclencheur. Sanchis sort la caisse de la Volvo et, un par un, les équipements réintègrent leur logement. Les plongeurs enlèvent leurs combinaisons et passent pantalons et t-shirts. J'attends quelque chose de moins banal. Un paquet, un sac, enfin, quelque chose, quoi. Mais non, rien, même pas un poisson. Tout cela s'est fait sans que les hommes échangent une parole. Le bateau est arrimé consciencieusement et les trois hommes grimpent dans la Volvo pour quitter le port. Tant pis, j'en suis pour mes frais. Je redescends et Gilda, rien qu'à voir ma mine, me lance, narquoise. Alors, bredouille ? Comme il y a deux clients dans la salle, je lui réponds simplement « Niente, mais alors, niente ». Les clients vont ainsi penser que je reviens de la pêche. « Ça sera pour la prochaine fois », me dit-elle. Cette réponse me remplit de joie. Elle accepterait donc que je recommence ma planque. C'est très bon signe pour moi, ça. De contentement, je passe sur la terrasse un pastis dans une main, un bol d'olive noire dans l'autre. Calme, repos, réflexion. La luminosité de fin de journée donne au panorama des tons chauds et magnifiques. Un palangrier rentre dans le port et vient s'amarrer juste en face du Santa Cruz de Sanchis, dans la partie réservée aux gros bateaux de pêche. Je suis prêt à parier que c'est celui que j'ai aperçu derrière le Rocca tout à l'heure en mer. Il est facilement reconnaissable avec sa cabine hautée étroite, comme rajoutée à la va-vite, et qui doit furieusement balancer par gros temps. Les deux hommes à bord posent sur le quai des casiers plats empilés deux par deux. Un troisième les prend et les place à l'arrière d'une deux chevaux camionnette. Il vérifie à chaque fois le contenu du casier du dessous. Vu d'en face, je pense qu'il y a des sardines dans ces casiers. Mon verre étant vide, je rentre faire mes adieux à Gilda. « Je suppose que tu reviens demain » fait-elle d'un air mi-fille, mi-raisin. « Demain après-midi, oui. Enfin, si tu le veux bien. » Elle ne me répond pas, mais me lance un regard appuyé dans lequel je crois déceler un petit éclat.